jour que j'avais du chagrin, tu l'as fait voler en éclats. Prenant mes larmes dans tes mains, t'as dit t'es trop belle pour ces bijoux-là. Pour toi j'ai appris à sourire, et dès ce jour-là j'ai compris qu'on puisse avoir peur de mourir quand on connaît déjà le paradis. Il fait si bon t'aimer, t'as l'air d'être fait pour ça. Pour être blotti les yeux fermés, la tête au creux de mes bras. Ta lèvre appelle si fort mes baisers, je n'ai pas besoin de me forcer. Je n'ai qu'à me laisser bercer et tout devient léger. Il fait si bon t'aimer. Auprès de toi, je n'ai plus peur. Je me sens trop bien à l'abri. T'as fermé la porte au malheur. Il n'entrera plus. T'es plus fort que lui. Et quand par les rues je m'en vais, je porte ma joie dans les yeux, comme si tes baisers me suivaient et que les gens se retournaient sur eux. Il fait si bon t'aimer, t'as l'air d'être fait pour ça. Pour être blotti les yeux fermés, la tête au creux de mes bras. Ta lèvre appelle si fort mes baisers, je n'ai pas besoin de me forcer. N'ai qu'à me laisser bercer et tout devient